Deuxième heure de Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec la longue des ondes. Et comme à l'habitude, je tiens à remercier des gens très, très spéciaux qui me permettent comme ça de rentrer chez vous, de vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne. Merci à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve Labrador, c'est la radio de l'Université Memorial à Saint-Jean-Terre-Neuve. CKJM Chéticamp, WFM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMR Miramichi au Nouveau-Brunswick, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe, de la région de Barrie en Ontario. Envol 91 Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg, Saskatchewan, CLS Victoria, Colombie-Britannique, et CIVR, Yellowknife, territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Commentaires, suggestions, même contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental. Vous m'envoyez ça à canrockcdn@gmail.com. Deuxième partie du Bloc de l'Est, Québec-Ontario, avec tout simplement de la très bonne musique dance, hip-hop, slam. On va y aller avec Yao qui part en tournée là, mois de mars et avril là, à travers l'Ontario. Donc, les gens à travers l'Ontario, vous allez passer de belles soirées, j'en suis certain, avec Yao qu'on va entendre avec sa chanson « Dis-moi que tu m'aimes encore ». Par la suite, nouveauté de D-Track, la chanson « OK », assez intéressant, merci. Et petit souvenir comme ça du petit EP de Kimia qui est sorti il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans. On va entendre « Manifeste », très bonne chanson. Mais juste avant, voici Monsieur Yao et une très, très, très bonne chanson. « Dis-moi que tu m'aimes encore ». Je n'ai rien dit, pourtant j'aurais tout dit. Quand j'aurais juste écrit, c'est le monde à l'envers. Soit il est fou ou fanatique, a peut-être un loup. La rhétorique, démagogie et parole où ça pique. Tu fais le sage ou l'amnésique. La théorie double vie, ou d'une vie après la mort. À qui le meilleur avis? Lequel de nous deux a tort? J'ai de l'encre dans les veines, et bientôt qu'une seule envie. Que tout ça saute et ça saigne, qu'on aille tous au paradis. Dis-moi que tu m'aimes encore, tu m'aimes encore. Des idéaux, j'ai du mal à voir le beau. Dis-moi tu m'aimes encore, tu m'aimes encore. Aveuglé par tant de bruit, de quoi noyer les ennuis. Love me now, you love me no more. Tatamar nous fait du bien, le son de trait ne tire de coup de rien. Faisons semblant que tout va bien. Préfère te fuir que d'en dire peu. L'ironie est de se dire que ce que l'on a on ne réalise pas quand le tout est intact et qu'elle ne nous quitte pas. J'ai mis du temps à comprendre que les femmes souvent préfèrent l'entendre. Avide à vouloir le grand A. Entre amour et argent, seul un choix compte. L'on vit longtemps quand on rit, le visage rempli de rides. Quand ta vie n'a pas de prix, la victime d'un homicide. Dis-moi tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Faux pourri des idéaux, j'ai du mal à voir le beau. Dis-moi tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Hey. Aveuglé par tant de bruit, de quoi noyer mes ennuis. Love me now, you love me no more. Que tout commence par la fin. Quand le canevas est empreint des solitudes de lendemain. Exode de mon esprit que j'ai laissé sur votre chemin. De plaisir mon stylo jouit quand tout est bien qui finit bien. Dis-moi tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Faux pourri des idéaux, j'ai du mal à voir le bon. Dis-moi tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Aveuglé par tant de bruit, de quoi noyer les ennuis. J'ai du mal à voir le beau. Hey! quoi noyer mes ennuis. Des fois j'ai l'impression la vie est trop lourde. C'est pour ça que je veux faire de la musique feel good. Ok, c'est des tracks, bonjour, salam alaikum. Je rappais avant Bandcamp pis Facebook. Ok, ça c'est pour tous les promoteurs qui nous bookent. Pour mes fans qui mettent la musique en boucle. Ok, je connais des gens qui ont eu tout cuit dans la bouche. Mais en matière d'émotions, sont pas en croûte. Ok, je suis pas le genre à rouler un joint de couche. Mais si tu me le penses, je prends peut-être une coupe de pof. Ok, moi je suis plutôt allongé, expresso double. Si j'ai pas mon café le matin, je boude. Ok, tu travailles moins sur ton art que sur ton look. Tes rhymes ont besoin de beaucoup de Photoshop. Ok, ce que tu représentes, j'en ai rien à foutre. Es-tu au moins capable d'avoir un bon flow qui tient la route? Ok, moi ça fait wouh, wouh. La police fait wouh, wouh. Le beat il fait wouh, wouh. Pis la foule fait wouh, wouh. Pour ce track, j'avais pas trouvé de titre. Sauf j'ai laissé aller mon inspiration. Ok, j'préfère donner de l'attention à ma fille que donner ma fille pour avoir d'attention. Ok, ça fait longtemps que j'ai pas eu de show pédagogique. Le dimanche, j'bosse pas le genre qui chôme. Ok, j'ai toujours fait sa classe comme un cours de physique. Juste pour ça, j'mérite d'avoir une exemption. Ok, j'ai toujours voulu monter seul avec ma clique. J'suis pas le fils de ou le fils de franc-maçon. Ok, des fois ça fait bizarre dans les parties de famille. Quand je leur dis que le rap c'est ma profession, ok. Pis ce qui fait chier dans ce monde immonde capitaliste, c'est qu'on te juge pour ton nombre de possessions, ok. Tu dois avoir un fucking problème auditif. Écoute, mon salaire c'est de vivre de ma passion, ok. À tous ceux qui questionnent mes origines, fais juste rappeler que la scène c'est mon domicile, ok. J'ai pas le goût de rabaisser mon niveau de rime juste pour plaire à un public plus imbécile, ok. Je vois qu'une scène comme si c'était une scène de crime. C'est avec ma plume que le colonel Monster J. Kill, ok. Si on connecte humainement, c'est magnifique. Mets tes mains dans les armes, même si t'as pas d'un tissu dorifique. Ok, quand ça fait wouh, wouh. La police fait wouh, wouh. Le beat il fait wouh, wouh. Puis la foule fait wouh, wouh. Tout le monde en avant, on y va, on y va. Wouh, wouh. La police fait wouh, wouh. Le beat il fait wouh, wouh. Puis la foule fait wouh, wouh. Les mêmes problèmes, les mêmes inquiétudes. J'ai toujours les mêmes amis, donc forcément j'ai les mêmes habitudes. Trop de haine, trop d'ingratitude. Y'a pas assez d'amour, normal que cela dégaine sur nos attitudes. Les mêmes problèmes, les mêmes inquiétudes. J'ai toujours les mêmes amis, donc forcément j'ai les mêmes habitudes. Trop de haine, trop d'ingratitude. Y'a pas assez d'amour, normal que cela dégaine sur nos attitudes. Je n'aime pas l'amour, c'est la maladie du cœur. J'aime pas mon cœur mal en point, je crois qu'il a vraiment mal au cœur. J'aime pas les flics, toujours au cœur de nos problèmes. J'aime pas qu'on blâme comme juge à cause de ma belle peau couleur ébène. Mon peuple se baigne dans un bain de sang, mes couplets sont vexants. Fallait plus qu'un sang pour capter toute votre attention. Ça a mis du temps, je ne m'y attendais pas jadis. Après la pluie vient le beau temps, c'est ça que mes frères m'ont dit. J'aime pas l'Afrique, encore moins ses dirigeants. J'aime pas l'Asie ni l'Europe, encore moins tout ce qui dit Occident. J'aime pas vos politiques et tout ce qui se cache derrière. J'aime pas la mer, hier encore j'ai vu engloutir des familles entières. Mais mis à terre, on reste debout, le ciel comme repère. J'ai le goût amer, la misère perpétue ses traditions. J'aime pas la haine, c'est la colère du faible, j'aime pas ta vie, t'aimes pas la mienne, dis-le moi franchement. Les mêmes problèmes, les mêmes inquiétudes. J'ai toujours les mêmes amis, donc forcément j'ai les mêmes habitudes. Trop de haine, trop d'ingratitude. Y'a pas assez d'amour, normal que cela dégaine sur nos attitudes. Les mêmes problèmes, les mêmes inquiétudes. J'ai toujours les mêmes amis, donc forcément j'ai les mêmes habitudes. Trop de haine, trop d'ingratitude. Y'a pas assez d'amour, normal que cela dégaine sur nos attitudes. Je guette au loin, loin la mort qui me dévisage. J'ai voulu écouter mon cœur, j'ai compris que l'amour a deux visages. Comme une bouteille à la mer, je ne vois plus le rivage. Perdu dans ce désert, toutes les louches, je ne vois que des mirages. On a la rage quand on veut toucher le soleil. Donc j'écris au sud de la nuit le jour pour trouver mon sommeil. Depuis, je suis studieux, les jaloux me portent l'œil. Optimiste, je garde ma plume de près comme cela pareil. Tu sais, j'aime pas l'orgueil, ils me poussent à commettre des fautes. Je vois l'ampleur de mes défauts à la Gollum dans les Seigneurs des Anneaux. J'aime pas les deuils, puisque je n'essaierai jamais au mien. Les liens sont incertains, l'amitié se brise pour finir en chicane en chien. Le chéitane se déguise, à sa guise se glisse et des mots tout bas. J'aime pas les idéalistes, c'est l'heure avec qui plus je préfère crever comme un Tupac. Tout part en couille, tout part en douille. Une course contre le temps avant que je ne devienne sa dépouille. Les mêmes problèmes, les mêmes inquiétudes. J'ai toujours les mêmes amis d'enfancement, j'ai les mêmes habitudes. Trop de haine, trop d'ingratitude. Y'a pas assez d'amour normal que cela dégaine sur nos attitudes. Les mêmes problèmes, les mêmes inquiétudes. J'ai toujours les mêmes amis d'enfancement, j'ai les mêmes habitudes. Trop de haine, trop d'ingratitude. Y'a pas assez d'amour normal que cela dégaine sur nos attitudes. Je ne possédais rien et je voulais fonder un empire. Je ne possédais rien et je voulais fonder un empire. Je ne possédais rien, rien. Je ne possédais rien et je voulais fonder un empire. Kimia et Manifeste, très bonne chanson. Lors du contact ontarois, je l'ai croisé. Je pense qu'il est en train de travailler sur un nouveau produit pour l'automne. C'est à suivre, bien sûr. Ça nous fera plaisir de faire tourner la musique de Kimia ici à Canrock. Lorsque ce sera prêt, lorsqu'on pourra vous le faire entendre, ça nous fera plaisir de partager ça avec vous. Ça nous amène à notre bloc instrumental, ou comme que je l'appelle cette semaine, notre bloc mismatch. L'idée, c'est que, premièrement, il y a Étienne Beausoleil, qui est de la région de Penetanguishene, en Ontario, qui est un joueur de contrebasse, double bass. Pour graduer à McGill en interprétation jazz, il devait écrire un album, ce qu'il a fait. Et je vous présente la pièce Persévérance, qui est la pièce titre de cet album-là, qui est venu me présenter ça au mois de mai dernier. Donc, sur cette pièce-là, Persévérance, Étienne Beausoleil, c'est un joueur de contrebasse, mais on entend surtout un solo, ou surtout du saxophone. L'autre artiste aujourd'hui, c'est Benjamin Deschamps, avec son Benjamin Deschamps Quintet, qui lui est un joueur de saxophone, mais on entend un solo de contrebasse sur sa chanson Monélia, tirée de son album Demi-Nuit. Benjamin Deschamps Quintet, qui ont été nommés Révélation Jazz de l'année, je pense l'année passée, si je ne me trompe pas. Donc, assez intéressant ce qu'ils font. Donc, vous allez voir, Monélia s'en vient dans quelques instants. Mais là, j'ai le grand plaisir de partager avec vous Persévérance de mon bon ami Étienne Beausoleil de la région de Penetanguishene en Ontario. Thank you.